Bonjour Lydie. Bonjour. On est à Montréal. Oui. Le samedi, dans un lieu assez atypique qui s'appelle l'Escalier. Et je viens juste de te rencontrer. Tu es postdoc là à Montréal. Et j'aurais trois petites questions à te poser. La première, c'est pour toi, qu'est-ce qui ne va pas dans la recherche aujourd'hui? Tu es postdoc en quoi? Peut-être qu'on peut commencer par ça. Alors, je suis postdoctorante à la faculté de l'aménagement à Montréal, en géographie. D'accord. Je travaille plutôt sur la notion de paysage et sur les nouveaux produits agricoles qui sont en train de se développer aujourd'hui au Québec. D'accord. Fromage fin, etc. Et est-ce qu'il y a un truc comme ça dans ta jeune carrière qui t'a dérangé dans la recherche? Tu dis ça tient, ça va pas. Alors, le travail de doctorant ou de post-doctorant, c'est un travail qui est relativement solitaire. Ouais. Les connexions se font avec certains chercheurs, mais ça reste long, fastidieux, pas toujours évident et difficile à vivre parfois, seul avec ses idées. Beaucoup de solitude. Beaucoup de solitude. Ouais. Après, je peux parler de l'expérience d'autres personnes sur la pression qu'ils ont pu avoir. Ouais. Par exemple, au niveau du temps à passer pour faire de la recherche. La recherche, pour moi, c'est quelque chose qui se passe sur le long terme. Et quand on n'a qu'un financement sur 3 ans ouais. et qu'on est pressurisé complètement pour donner des résultats, ouais. voilà, c'est assez difficile. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit positif aussi pour la recherche et constructif. D'accord. Et tu verrais une façon, toi, différente de faire de la recherche où tu aimerais naviguer dans un autre système? Un système où il y ait plus d'échanges, à la fois entre les jeunes chercheurs, les chercheurs seniors, entre disciplines aussi. On parle beaucoup de pluridisciplinarité, mais dans les faits, ça reste encore difficile à mettre en œuvre et à vraiment créer une émulation, quelque chose de positif, où tout le monde soit reconnu, même si on n'est pas ancré dans une seule discipline. D'accord. Bon, c'est super et j'espère que ça va pouvoir se faire petit à petit. Merci Lydie. Merci.